سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On continue toujours sous le chapitre Actes qui annulent les ablutions, et on est arrivé au hadith 63. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. Selon Aïcha, Fatima bint Hubeish, bint Abi Hubeish, vint dire au prophète sallam, envoyé d'Allah, je suis une femme dont les menstruations sont anormales, de telle sorte que je ne me purifie pas. Dois-je cesser de prier? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, non, il s'agit d'une ménométrorragie, mais non des menstrues. Si les menstrues arrive, cesse de prier. Et à la cessation des menstrues, lave le sang, puis prie. C'est un hadith unanimement accordé. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon un seul compagnon, selon Aïcha. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. Donc, al-Bukhari et Muslim, ils rapportent ce hadith. Mais le Bukhari, il a ajouté la phrase suivante, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis fait les ablutions pour chaque prière. Et Muslim a indiqué qu'il avait volontairement supprimé ce passage. D'accord. Bon, le Bukhari, il a sorti ce hadith selon Hisham ibn Urwa, selon son père, selon Aïcha. Donc, il a rapporté ce hadith, et à la fin de ce hadith-là, il a mentionné le passage suivant où le rapporteur dit « Mon père a dit, puis fait les ablutions pour chaque prière. » Mon père, ça veut dire, c'est Hisham ibn Urwa, l'un des rapporteurs du hadith. Un des rapporteurs a pris le hadith de son père. Et le père de ce rapporteur, il a pris le hadith de Aïcha. Et Muslim a rapporté le même hadith avec la même chaîne de rapporteurs, sans le dernier passage, sans puis prie pour chaque prière. D'accord? Donc, Fatima bint Hubeish, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mes menstruations sont déréglées. C'est-à-dire, il arrive après la phase de la menstruation, que le sang toujours il coule. Et il a dit, je n'arrive pas à me purifier, est-ce que je dois cesser? Est-ce que je dois cesser de prier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a référé, il a dit non, il faut suivre les menstruations habituelles, tes menstruations habituelles. Et si ces menstrues cessent, ben tu vas prier. Et le sang qui va couler après n'a pas la valeur des sangs du menstrue. Il a la valeur, c'est un sang de métrorragie, c'est un état, c'est l'éclatement d'une veine à l'intérieur de l'utérus. C'est un cas qui arrive souvent, qui arrive à certaines femmes. La version, là, le Bukhari, il a dit, prie pour chaque, fait l'ablution pour chaque prière. D'accord. Al-Bayhaqi, l'imam Al-Bayhaqi, a dit que Muslim s'est abstenu d'ajouter cette phrase, puis fait les ablutions pour chaque prière, car il pensait que Hammad, c'est l'un des rapporteurs. La chaîne des rapporteurs, c'est ça. C'est Hammad ibn Zayd, selon Urwa, selon Hisham, ibn Urwa, selon son père, selon Aïcha radiallahu anha. Et il rapporte, il dit que Muslim, il a cru que la phrase « puis fais les ablutions pour chaque prière, ce n'est pas la parole du prophète sallam, mais c'est la parole de Hammad. C'est l'un des rapporteurs. Il a rapporté le hadith et après il a ajouté cette phrase. C'est comme le hadith qu'on a dit, le hadith mudraj de Abu Huraira radiallahu anhu, sur les gens, ceux qui faisaient les ablutions ici-bas vont se présenter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont être reconnus par la blancheur dans les bras, par la blancheur dans le front, et puis à la fin, c'est dit dans le hadith, celui qui veut ajouter cette blancheur, qu'il le fasse. Mais les savants ont dit que cette phrase-là ne fait pas partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celle de Abu Huraira radiallahu anhu. D'accord? Donc là, Muslim, il pense que c'est une parole de Hammad, de l'un des rapporteurs, et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière phrase, je parle toujours de la phrase, thumma tawadda'i li kulli salah, puis fait les ablutions, pour chaque prière. Et il a donné le motif suivant. Le Bayhaqi, il dit que Muslim pense, s'est abstenu d'ajouter cette phrase parce qu'il pense que Hammad s'est distingué de cette phrase d'entre les élèves de Hisham ibn Urwa. Ça veut dire Hisham ibn Urwa, le rapporteur, il a rapporté le hadith. Il a dit, voilà, j'ai entendu mon père dire qu'il a entendu Aïcha dire que Fatima bint Hubaysh, il vient dire au professeur sallam, voilà, je suis une femme dont les règles ne sont pas régulières. Et le seul à prendre ce passage-là, à évoquer ce passage-là parmi les élèves de Hisham ibn Urwa, c'est Hammad. Il a dit, pourquoi parmi tous les élèves de Hisham ibn Urwa, il n'y a que Hammad qui a donné cette phrase, donc ça ne fait pas partie de la parole du prophète, c'est celle de Hammad. Il s'est distingué parmi les autres. Mais, cependant, si nous analysons les chaînes, pas nous, les savants, ils ont analysé les chaînes de rapporteurs, ils ont découvert que Hammad n'est pas le seul à avoir ajouté cette phrase. Tirmidhi, il rapporte ce hadith selon Abu Muawiyah, selon Hisham. Et il a qualifié ce hadith d'authentique, de Hassan Sahih. Et on y trouve cette phrase. Donc d'autres rapporteurs, ils ont rapporté cette phrase-là, et Hammad n'est pas le seul. De même, Waqi' ibn al-Jarrah, il l'a mentionné dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Et il y a un autre témoin aussi, une autre personne qui témoigne en faveur de Hammad, et qui dit, c'est Yahya ibn Anas, dans le livre Musnad de Sarraj. Et un autre témoin, c'est Hammad ibn Salama, et le hadith l'est rapporté par Darimi. Un autre témoin aussi, c'est Abu Hamza Sukari, tel que c'est rapporté par Ibn Hibban. Donc d'autres témoins. D'accord? Nous, on est en train d'expliquer pourquoi Muslim, il s'est abstenu et de mentionner cette version. On est en train de dire que le plus vraisemblable que cette version, cette phrase-là, a été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il nous aide dans beaucoup de leçons. Donc tout cela, ainsi que d'autres, témoignent avoir rapporté cette phrase. Et certains savants ont cru que la phrase ajoutée n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celle de Urwa, Mawquf, c'est ce qu'on appelle Mawquf, il s'arrête à Urwa, mais le plus vraisemblable, c'est qu'elle remonte, ça veut dire, il remonte du compagnon jusqu'au prophète, c'est ce qu'on appelle le Marfou'. Donc c'est une phrase Marfou'. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et ils ont ajouté, ils ont dit, parce que aussi, ce qui prouve que c'est Marfou', que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est sous forme impérative. Et fait les ablutions pour chaque prière. Donc il est sous forme impérative. D'accord? Ça, c'est un argument de plus, comme quoi c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va avec le style, lave le sang, puis prie, et fait les ablutions pour chaque prière. Donc c'est une parole qui est adressée à Fatima bint Hubaysh. Et il ne peut donc être la parole de Urwa. D'accord? Les leçons de ce hadith. Bon, Fatima bint Hubaysh, c'est une sahabia renommée de Quraysh, et c'est une émigrante mariée à Abdullah ibn Jahsh. Cette femme, comme on a dit, elle est atteinte de métrorragie. D'accord, c'est une veine qui éclate à l'intérieur de l'utérus Et ce son-là n'a rien à voir avec le son des menstrues. Il arrive à certaines femmes, après les menstrues normales, des fois 2 jours, 3 jours, 4 jours plus tard, il y a du sang qui coule. Il y a du sang. Mais ce n'est pas le sang des menstrues, mais c'est le sang de ce cas-là de métrorragie. C'est une hémorragie persistante, ou quasi persistante. Et c'est pour cela que Fatima bint Hubaysh, elle a dit, dois-je cesser la prière? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, il s'agit d'une métrorragie, d'une ménométrorragie, d'un arq, en arabe ce qu'on appelle arq, mais non des menstrues. Et il a dit, cesse de prier, si les menstrues arrivent et si elles disparaissent, lave le sang, puis prie, puis fais les ablutions pour chaque prière. D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de s'abstenir de prier juste pendant la période des menstrues, juste pendant la période des règles. Et en dehors de cette période-là, il n'a qu'à laver le sang et prier. D'accord ? Inch'Allah, on va détailler ce sujet quand on va rentrer dans le chapitre numéro 10. C'est le chapitre des menstrues. Et l'auteur, Ibn Hajar, rahimahullah, il a évoqué le même hadith sous ce chapitre-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé d'observer la période des règles. Et il lui a dit, bon, si elles disparaissent, lave le sang. Et certains compagnons de Hisham ibn Urwa ont dit d'autres versions. Il y en a qui ont dit seulement la version lave le sang. D'autres ont dit fais le rosl. Après, prie. Mais en réalité, le prophète lui a demandé de laver le sang et de faire le rosl, de le faire les grandes ablutions. Maintenant, concernant les ablutions pour la femme atteinte de métrorragie, al-mustahada, c'est ce qu'on appelle al-mustahada. Comment il doit faire les ablutions? Bon, il a eu ses règles. À la fin des règles, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le grand rousl. Hein, d'accord. Se laver tout le corps. Mais si 2 jours, 3 jours plus tard, il y a du sang qui coule. C'est un arq. C'est ce qu'on appelle l'arq. C'est un cas de métrorragie. C'est une veine qui a éclaté. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Là, il y a trois avis de savants. Le premier avis, c'est le madhhab de Aïcha, d'Ibn Abbas, Ali, les juristes de Médine, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed, Abu Thawr, Abu Ubaid, ils ont dit? Ils ont dit, ils doivent faire les ablutions avant chaque prière. D'accord? Ça, c'est clair. Avant chaque prière. Donc, le sang de métrorragie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le laver et faire les ablutions. Avant chaque prière, elle fait les ablutions. D'accord? Même si le sang coule pendant la prière, ce n'est pas grave. D'accord? Donc, il doit faire les ablutions avant chaque prière. Le deuxième avis, c'est celui de Malik, l'imam Malik. Il voit que le mustahada, la femme atteinte de métrorragie, n'est pas obligée de faire les ablutions pour chaque prière, même si l'écoulement du sang persiste. Il dit, il n'est pas obligé, même si ce sang-là coule, elle ne doit pas s'en rendre compte. Tant qu'il n'est pas allé volontairement aux toilettes pour l'urine ou pour la défécation. Mais en dehors de ça, il ne doit même pas se rendre compte de ce sang-là. Ce sang, il coule et elle, il prie avec. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Et il dit, il est juste souhaitable de faire les ablutions. Ce n'est pas obligatoire. Du moment qu'il n'a pas annulé ses ablutions avec un gaz ou une défécation ou autre chose, donc il n'est pas obligé de faire les ablutions à cause de cette istihada. Et pour lui, l'istihada n'annule pas la métrorragie, n'annule pas les ablutions. Le troisième avis, c'est celui qu'on trouve dans le Muhalla d'Ibn Hazm. C'est le plus dur. Il doit faire le lavage du corps, al-ghusl, pour chaque prière obligatoire. Pour chaque prière, il doit faire le rosl. Et pour chaque prière surérogatoire, il doit faire les ablutions. Donc le rosl et les ablutions, les grandes ablutions et les petites ablutions pour chaque prière obligatoire, et les ablutions, les petites ablutions pour chaque prière, surérogatoire. Cet avis, il est le plus dur. Mais sans aucun doute, c'est le premier avis qui est le plus vraisemblable. Mais, bon, la foule des savants, jumhur al-ulama, on dit la foule des savants parce que ce n'est pas l'unanimité, il n'y a pas ijma', puisque il y a Malik qui dit que ça n'annule pas, et Ibn Hazm, à l'opposé, il dit qu'il doit faire les grandes ablutions pour chaque prière obligatoire. Mais pour ceux du premier avis, parce que c'est l'avis le plus sahih, le plus vraisemblable, ils ont divergé sur un point. C'est que, est-ce qu'il doit faire les ablutions pour chaque prière obligatoire ou au temps de chaque prière obligatoire? L'imam Ahmed et l'imam Shafi'i, ils ont dit qu'ils doivent faire les ablutions pour chaque prière obligatoire. D'accord. Le temps de dhuhr, il arrive. Le sang de métrorragie, il coule. Elle lave ce sang-là. Elle fait les ablutions. Elle rentre dans la prière, même si le sang continue de couler. D'accord. Pour chaque prière obligatoire. Ça, c'est l'imam Ahmed, imam Shafi'i. Et même Abu Hanifa, il dit pour à la rentrée du temps de chaque prière obligatoire. Et il doit faire les ablutions à la rentrée du temps de chaque prière obligatoire. Quelle est la différence? La différence entre Abu Hanifa, l'avis d'Abu Hanifa et l'avis de l'imam Ahmed al-Shafi'i, c'est que pour Abu Hanifa, s'il fait les ablutions à la rentrée de la prière de Dhuhr, par exemple, Il peut rattraper les prières obligatoires passées. C'est là, s'il doit rattraper des prières manquées, des prières obligatoires, il peut les rattraper. Si par exemple, il a raté la prière de Dhuhr, et le temps de l'Asr, il est rentré. Il fait les ablutions pour le temps de l'Asr, et il rattrape Dhuhr. Mais pour l'imam Ahmed al-Shafi'i, il fait les ablutions pour l'Asr, l'obligation de l'Asr, et s'il a rattrapé Dhuhr ou les autres prières, il doit refaire les ablutions pour les autres prières. Vous avez compris la différence? Vous avez compris la différence un peu? Donc ça, c'est la différence entre les deux avis. Maintenant, bon, c'est clair. Si une femme, elle est mustahada, bon, elle peut connaître la différence entre le sang. De toute façon, on va détailler ça quand on va parler des menstrues. Alors, beaucoup de femmes peuvent distinguer entre le sang des menstrues, comment il est au début et comment il devient à la fin, et le sang de l'istihada, qui est du sang rouge et qui est distinct des sangs du menstru par l'odeur et par la couleur. D'accord. Donc ce sang là de métrorragie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit le laver et faire les ablutions pour chaque prière. Elle prie normalement. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut faire analogie, qiyas, entre le salas, l'incontinence de gaz ou d'urine, et celui de l'istihada, et celui de la métrorragie? Est-ce qu'on peut faire l'analogie? Les savants ont fait l'analogie. On dit qu'il y a analogie entre le cas d'incontinence, quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, du gaz ou d'urine, on peut faire l'analogie entre le cas d'incontinence et le cas de métrorragie. Et ils ont raisonné comme suit. Ils ont dit, si la législation a été tolérante à l'égard de la métrorragie, qui est censée exiger quoi? Le rosl. Il est censé exiger le rosl, parce que c'est on peut faire analogie entre la métrorragie et les menstrues. Il est censé exiger le rosl, les grandes ablutions, comparé aux menstrues. Alors, à plus forte raison, elle va être tolérante dans le cas d'incontinence d'urine et de gaz, qui normalement ne sont censés exiger que les ablutions. Et c'est ce qu'on appelle qiyasul awla. C'est le raisonnement par analogie, par les priorités. D'accord? Par les priorités. Dans ilm al-usul, le qiyas, l'analogie et l'obéir à des règles. Il faut faire toujours analogie à quelque chose qui a une preuve dans la religion. On ne fait jamais une analogie avec une chose qui est secondaire dans la religion. Donc, la base, ils ont fait analogie entre le cas d'incontinence, ils l'ont fait par rapport au cas de métrorragie qui est fondé sur un texte. D'accord ? On fait toujours l'analogie sur quelque chose qui est fondé sur un texte. D'accord ? Et non pas quelque chose qui est qu'on a déduit par un effort intellectuel. D'accord ? Donc ça c'est l'avis des savants là-dessus. Ils ont dit qu'on peut faire l'analogie. C'est ce qu'on appelle salas en arabe. Halat salas. Le cas d'incontinence. Et Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est normal puisqu'il a été dur dans le cas de métrorragie. Il va être dur dans le cas d'incontinence. Et on sait que Ibn Hazm, il ne reconnaît pas le qiyas. Il ne reconnaît pas l'analogie, le raisonnement par analogie. Ibn Hazm, il a dit, celui qui souffre d'incontinence d'urine ou de gaz doit faire les ablutions avant chaque prière, que ce soit surérogatoire ou obligatoire. Et l'intervalle de temps entre les ablutions et la prière doit être très court. Bon, il s'est fondé sur des généralités. Il dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Craignez Allah autant que vous pouvez, sur des textes généraux comme ça. Et le hadith, si je vous ordonne quelque chose, accomplissez-le, accomplissez-la autant que vous pouvez. Et de l'autre côté, il a dit que le gaz et l'urine, il annule les ablutions. Donc, il faut concilier entre ces textes-là. Et bon, mais il a été très dur. Il a dit, bon, il faut faire les ablutions pour chaque prière obligatoire. Cet avis, il ne concorde pas déjà avec la tolérance de la religion et il pèse lourd pour les gens. Et les savants, ils ont répondu fermement à Ibn Hazm. Ils ont dit, bon, exemple, il a dit, si, imagine si quelqu'un entre dans la mosquée pour faire une prière obligatoire, en groupe, et que l'imam ne respecte pas le temps. Parce que lui, il dit à condition que le temps, l'intervalle de temps entre les ablutions et la prière ne doit pas être long. Mais c'est une situation que lui ne peut pas gérer. Parce qu'il se peut que lui, il va entrer dans la mosquée, et que l'imam, il tarde la prière. Et c'est son droit. Et c'est son droit. Parce que s'il fait chaud, des fois on fait la prière, on retarde des fois, abrido, des fois on retarde la prière jusqu'à ce que qu'il y ait un peu de fraîcheur. Donc il se peut que l'imam retarde la prière et donc l'intervalle de temps entre les ablutions pour ce pauvre personne qui souffre d'incontinence et et la prière va être lent. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va sortir de la mosquée, refaire les ablutions. Il va rentrer, sortir, il va souffrir. Donc c'est dur pour lui. Et même pour le Jumu'ah aussi, pour la khutbah, si il va attendre, l'imam il va faire la prêche du vendredi, donc l'intervalle de temps entre les ablutions et la prière va être long, il va prendre tout le temps de la prêche, comment il va faire, et qu'est-ce qu'il va faire s'il va faire la prière obligatoire, et il doit sortir de la mosquée et refaire les ablutions pour faire les surrogatoires, donc ça pèse lourd. Pour les gens, et donc il a été repoussé, cet avis-là a été repoussé par beaucoup de savants. À l'opposé de cet avis, normalement, l'avis de l'imam Malik. Imam Malik, il dit celui qui souffre d'incontinence n'a pas à refaire les ablutions, carrément. Du moment qu'il n'est pas allé de lui-même uriner volontairement ou à la selle ou autre chose, du moment qu'il n'a pas fait annuler ses ablutions volontairement, il n'a pas à refaire carrément les ablutions, il reste dans cet état d'incontinence et il prie normalement. Donc et l'avis du juste mesure, l'avis qui a été le plus proche des arguments, est celui de la foule, Jumhur l'ulama, Abu Hanifa, Shafi'i, l'imam Ahmed, qui ont dit qu'il doit faire les ablutions avant chaque prière obligatoire. Et par analogie à la métrorragie, bien sûr, Abu Hanifa, il a dit à la rentrée du temps de chaque prière. L'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, il dit pour chaque prière obligatoire. Mais il y a une remarque ici, c'est que le cas dont on parle, le cas d'incontinence, c'est le cas d'incontinence permanente ou incontinence non permanente mais irrégulière. Le cas, le problème qui se pose là, dans quel cas la personne doit faire les ablutions pour chaque prière obligatoire, c'est dans le cas d'incontinence permanente ou bien non permanente mais irrégulière, non contrôlée. Ou bien celui qui n'est atteint d'incontinence qu'au moment de la prière. Il y a des gens qui ne sont atteints de cas d'incontinence, n'arrivent pas à se contrôler qu'au moment de la prière. En dehors de la prière, ils sont tranquilles, ils ne souffrent pas de ce cas-là. Mais au moment de la prière, tellement ils sont tendus et tout, qu'ils ne se contrôlent plus. Ne parlons pas du doute scrupuleux, du waswas, et nous, de ce qu'on appelle le waswas. Dans ce cas-là, dans le cas du waswas, la personne ne doit même pas s'en rendre compte. Mais il y a des cas vraiment réels où la personne, il n'arrive pas à se contrôler au moment de la prière. Ça veut dire que l'incontinence n'est pas permanente, elle n'est pas irrégulière, mais au moment de la prière, le pauvre, il dégage le gaz. Pour ces cas-là, il fait les ablutions pour chaque prière. Mais comme on a dit, en dehors de ces trois cas-là, la personne, il y a des gens par exemple, quand ils sont dans les toilettes, il y a un moment par exemple de 10 minutes où ils souffrent d'incontinence. Pour cela, bon, ils doivent attendre ces 10 minutes et après faire les ablutions et prier tranquillement après. Donc chaque cas, en dehors des cas d'incontinence permanente ou d'incontinence non permanente, irrégulière et non contrôlée, et le cas d'incontinence avant chaque prière, les autres cas, chaque cas, il faut détailler cas par cas. Bon, on peut déduire de ce hadith-là d'autres leçons. C'est que la femme a le droit de parler à un homme ou à un savant, à condition de ne pas montrer de complaisance dans la parole, et la voix de la femme n'est pas aura. D'accord? Ça veut dire que la femme a le droit de parler à un homme et sa voix, s'il ne casse pas sa voix, donc il est autorisé de parler, de discuter avec. Il y a, bien sûr, ne pas s'isoler avec l'homme, ou par exemple répondre au téléphone. La femme peut répondre au téléphone à un homme. Bien sûr, ça obéit à des restrictions et tout, mais le fait, parce qu'il y a des gens qui sont très exigeants, ils disent que la femme... La voix de la femme, c'est une awra. Il ne doit carrément pas parler, il ne doit pas répondre au téléphone, mais ça, c'est faux. Il y a aussi que le cas de métrorragie, il existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants, ils ont distingué 10 cas, 10 femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam atteintes de métrorragie, de ce arq-là. Il y a aussi, on peut déduire qu'il y a une distinction entre les menstrues et la métrorragie. Les menstrues, il exige les grandes ablutions. La métrorragie, il exige les ablutions. Et il y a aussi que la femme qui a les menstrues, elle n'a pas le droit de prier. Le hukm, c'est haram de prier pour une femme qui a les menstrues. Et ça, il y a ijma', unanimité là-dessus. Il y a aussi que la femme atteinte de métrorragie fait les ablutions pour chaque prière obligatoire, comme on a détaillé, et aussi que l'homme a le droit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme si elle est atteinte de métrorragie, contrairement au monstre. Si elle se lave, elle a le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle. Il y a aussi l'analogie forte, qiyas al-jali, parce que entre la métrorragie et l'incontinence, c'est quand on fait une analogie d'une chose avec une autre chose, il faut qu'il y ait en commun l'illa, ce qu'on appelle le motif. Et le motif commun entre la métrorragie et l'incontinence, c'est que la femme, elle ne contrôle pas le sang qui coule, et la femme ou l'homme atteint d'incontinence ne contrôle pas l'urine ou le gaz qui se dégage de lui. Bon, maintenant on rentre dans le hadith 64. « Wa an Aliyin radiyallahu ta'ala anhu qala, kuntu rajulan madha'an fa'amartu المقدادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. علي بن أبي طالب a dit: Je suis un homme dont le madhi sort fréquemment. Alors j'ai dit à Al-Miqdad de demander au prophète صلى الله عليه وسلم le statut de ce liquide, de ce madhi, on va le définir, de ce madhi. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui répondit qu'il exige les ablutions. C'est un hadith unanimement accordé, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et la version se trouve dans le Sahih de Al-Bukhari. Bon, le madhi, c'est le liquide visqueux, léger, transparent, liquide prostatique, qui sort suite à au fait de penser à un rapport sexuel ou d'avoir l'intention de jouir de sa femme. Ou ce liquide-là, il sort des fois sans que la personne s'en rende compte. Il est visqueux et transparent, et il est dû au fait de penser au rapport sexuel ou préliminaire que fait l'homme avec sa femme avant le rapport. Bon, explication. Dans une version, Al-Bukhari a dit, il rapporte que Ali radiallahu anhu, il a dit: j'ai eu honte de parler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a envoyé le Miqdad. Dans une autre version de Al-Bukhari, j'ai dit à un homme comme ça, anonyme, j'ai dit à un homme de lui demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que sa fille vit sous mon toit, que Fatima radiallahu anha, il vit sous le toit de Ali radiallahu anha, et c'est pour ça qu'il a eu honte de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé un homme. Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Khuzayma, il rapporte la version suivante: je suis un homme dont le madhi sort, ce liquide-là, sort d'une telle fréquence que je me lavais le corps souvent. Et au point qu'en hiver, mon dos, c'est comme les fissures sur le dos, c'est gercé. Il a cru, Ali radiallahu anhu, il a cru que le madhi exige les grandes ablutions. Et en plein hiver, déjà, ce liquide, il sort de lui fréquemment, et à chaque fois, il refait les grandes ablutions. Il a dit jusqu'à ce que son dos fût fissuré à cause du lavage permanent. Et dans la version de Nasa'i, Ali radiallahu anhu, il a dit: j'ai envoyé Ammar, et non pas le Miqdad, Ammar lui poser la question. Bon, est-ce que Ali a envoyé le Miqdad ou Ammar? La réponse se trouve dans la version rapportée par Abd al-Razzaq dans son Musannaf Abd al-Razzaq, que selon Aïch ibn Anas, que Ali, al-Miqdad et Ammar discutèrent à propos du madhi. Et Ali a dit: je suis un homme dont le madhi sort fréquemment, et veuillez poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'entre les deux hommes s'exécuta. Voilà, ça c'est hadith rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf. C'est la réponse qu'ils discutèrent tous les trois. Et Ibn Bashkawal, l'un des grands savants, a dit que c'est le Miqdad qui posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, on a défini le madhi. Et ce hadith est une preuve comme quoi le madhi est impur. Ah, quel est le mot d'Alil? Le hadith, le prophète sallallahu alayhi qu'est-ce qu'il a répondu à Al-Miqdad? Il exige le wudu. Il exige fihi le wudu. Il exige les ablutions. Donc le madhi est impur. Et c'est le madhab de la foule des savants. Et je dis, je mords le ulama, parce que l'imam Malik, dans son Muwatta, il a dit que Saïd ibn al-Musayyib, l'un des tabi'i, donc qui ont vécu avec les compagnons, n'ont pas vu le prophète sallam, et autres voient qu'il n'est pas impur et qu'il n'annule pas les ablutions. Bon, mais la majorité des savants disent que le madhi annule les ablutions. D'accord. Et il y a autre chose. Doit-on faire les grandes ablutions à cause du madhi? Là, il y a ijma' entre les savants qu'on ne doit pas faire les grandes ablutions, qu'on ne doit pas faire le rusl dans si il m'a dit sort. Et ce ijma, il est évoqué par Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, explication de Sahih al-Bukhari. Et il est du devoir de quiconque duquel sort ce liquide de laver son membre viril et aussi les testicules, comme c'est évoqué, comme c'est rapporté par Abu Awana, par l'imam Ahmed et par Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut lave ton membre et lave les tes testicules. Donc ça, au cas, si le Mahdi il sort, ce liquide là sort, il faut laver le membre et laver aussi les testicules. Et il y a même une expérience, les médecins ils ont dit que le lavage des testicules, il réduit la sécrétion du liquide prostatique. Ça c'est une découverte. C'est les médecins, ils ont découvert ceci. Et en même temps, ça calme aussi le désir charnel. Et maintenant, si le Mahdi touche un vêtement, qu'est-ce qu'on doit faire? Shafi'i, il a dit, il voit qu'il faut laver le vêtement. Et l'imam Ahmed, il a dit qu'il suffit d'asperger le vêtement, d'eau, car c'est pénible de le laver à chaque fois, parce que c'est un liquide, c'est dur de s'en débarrasser, qui est fréquent, qu'on trouve fréquemment dans le vêtement. Donc il a dit le mieux, il a dit qu'il est préférable juste d'asperger l'endroit avec l'eau, c'est pas la peine de le laver, de le mettre dans la machine à laver ou de le frotter, etc. Et la preuve, c'est le hadith rapporté par Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et asperge de l'eau sur les traces que tu vois sur ton vêtement. Sur les traces de Mahdi que tu vois sur tes vêtements. Et ce hadith, il est hassan, il est assez bon. Donc, il remonte pour être un argument. Et c'est aussi le choix d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Autre leçon de ce hadith-là, c'est qu'il n'appartient pas à l'homme de parler de sa vie sexuelle, de sa vie de couple, devant la famille de son épouse. D'accord? Parce que c'est une transgression des règles de la politesse. Et en même temps que cette pudeur ne doit pas l'empêcher de poser la question au savant. La pudeur n'a pas empêché Ali radiallahu anhu d'engager le Miqdad ou Ammar pour poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a autre chose, il est autorisé de déléguer ou d'engager quelqu'un pour poser la question à ta place, si cette personne est digne de confiance, s'il ne va pas poser la question autrement au savant. Donc ça, c'est certaines leçons qu'on peut déduire de ce hadith-là. Hadith de Ali, le muttafaq alayhi. Maintenant, le hadith numéro 65. An Aïshata, radiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya, sallallahu alayhi wa sallama, قبل بعد نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ والحديث أخرجه الإمام أحمد وضعفه البخاري. Selon Aïcha, le prophète صلى الله عليه وسلم a embrassé l'une de ses femmes puis est allé prier sans reprendre ses ablutions. Hadith rapporté par Ahmed, qualifié de faible par l'Albani. Ce hadith est rapporté par un groupe de savants à part l'imam Ahmed. Il est rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan, par le Bayhaqi, par le Bazar et par d'autres. Dans certaines versions de ce hadith que Aïcha a raconté, ceci en souriant, ce qui prouve que c'est elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé. Et bon, lorsque Tirmidhi l'a rapporté ce hadith, il a signalé qu'il est faible. Le Bukhari, comme a évoqué Ibn Hajar, l'auteur, a qualifié ce hadith de faible. De même, Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, il a dit, rapportez de moi que ce hadith n'est rien. Et d'autres aussi, comme Dara Khutni al-Bayhaqi ibn Hajar, l'ont qualifié de faible. D'autres savants l'ont qualifié d'authentique, vu qu'il est rapporté par des chaînes multiples de rapporteurs. Dans son livre Talkhis al-Habir, le Hafiz ibn Hajar a dit que le Bayhaqi a énuméré 10 chaînes de rapporteurs. Ça veut dire que ce hadith-là est rapporté par 10 chaînes de rapporteurs. il les a qualifiées toutes de faibles. Ces 10 chaînes de transmission, Al-Bayhaq Rahmullah, il les a qualifiées de faibles. Et Zaylaï, dans Nasb al-Raya, il a énuméré aussi 10 chaînes. Et Daraqutni a énuméré plusieurs chaînes. Et certains savants ont dit que ce hadith a des hadiths témoins, même s'ils sont plus faibles que lui. D'accord? Il a des hadiths. On dit hadith témoin, c'est un hadith dit par un autre compagnon. D'accord? C'est comme si le hadith il est rapporté, il est dit par, selon Aïcha, et on trouve selon Anas. On dit Anas est témoin. D'accord? On dit Anas est témoin. Mais si les chaînes, toutes les chaînes convergent vers Aïcha, on dit c'est des chaînes mutabi'a. C'est des chaînes qui suivent, qui appuient. Mutabi'a. Donc il y a hadith shahid, ou le hadith mutabi'a. Shahid, c'est un hadith selon un compagnon, par exemple Aïcha, et le même texte, à peu près le même texte, ou le même sens du texte, il est selon Anas. Donc on dit Anas est témoin, shahid, il témoigne, il appuie. Comme on dit témoin en faveur de quelqu'un. Et si toutes les chaînes des rapporteurs, ils remontent à un seul compagnon, on dit que les chaînes sont des tabi'a. Donc certains savants ont dit que ce hadith-là, il a des hadiths faibles, mais ils sont plus faibles que lui. Et donc certains savants ont dit que ce hadith peut remonter au degré de Hassan, d'assez bon. Et parmi ces savants, Ibn Abd al-Barr et Abd al-Haq al-Ishbili et l'imam Zaylaï, qui a approuvé les versions rapportées par l'imam Ibn Majah. Et parmi les derniers savants, l'imam al-Allama est l'Ahmad Muhammad Shakir dans son commentaire sur Sunan Tirmidhi. Et les deux imams, l'imam San'ani qui a fait l'explication de Bulugh al-Maram, qui a fait dans son livre Subul Salam, il a qualifié ce hadith d'authentique. Et de même, le savant qui lui est contemporain, à savoir Imam Shawkani, dans Nail Autar, il a qualifié ce hadith d'authentique. Et est-ce que maintenant, le toucher d'une femme annule les ablutions? La question se pose. Parce que le hadith, il soulève cette question. Les savants, ils ont divergé sur cette question. Et selon 5 versions, moi on va les résumer selon 3 versions importantes. Le premier avis, toucher une femme annule exclusivement les ablutions. Que ce soit avec jouissance charnelle ou non, avec l'intention d'en jouir ou non. Peu importe, il dit qu'elle annule les ablutions. C'est le madhab de l'imam Shafi'i et il s'est fondé sur certains arguments. Donc pour lui, si par exemple dans un franc prix où on achète quelque chose et qu'on touche la main de la caissière, tu refais les ablutions. Bon, lui il s'est fondé, rahimahullah, sur les arguments suivants. Argument, le verset du Coran. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Le verset du Coran dans Sourate Al-Ma'ida. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous revenez de la selle, ou si vous avez touché لَامَسْتُمْ aux femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. La sourate 5 et le verset 6. La sourate 5 et le verset 6. Inch'Allah, on continue